Alors bonjour à tous, Jean-Robin, journaliste. Donc je fais des enquêtes sur la Chine communiste, son infiltration de l'oligarchie française et des institutions internationales, son déclenchement de la Troisième Guerre mondiale par une attaque biologique et ses conséquences. Et donc, je fais des vidéos privées réservées aux souscripteurs pour gagner ma vie, être indépendant et quand même informer mes concitoyens. Donc pour cela, je fais de temps en temps des vidéos publiques qui peuvent toucher le plus grand nombre, et notamment pour dénoncer ce que j'appelle l'opposition contrôlée, c'est-à-dire des gens qui se disent résistants, mais qui en fait roulent pour l'oligarchie, consciemment ou inconsciemment. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un des principaux représentants de cette opposition contrôlée en France depuis longtemps, qui est Riposte Laïque, et notamment leurs deux principaux leaders, Pierre Cassan et Christine Tazin, qui sont d'ailleurs en couple. Alors je dois dire, pour ceux qui ne me connaissent pas, que j'ai fait un bout de chemin avec eux, en médiatisant leurs actions, en les invitant à des débats. Voilà, c'était pendant une dizaine d'années quand même. Par exemple, Christine Tazin a pu débattre avec Dieudonné grâce à mon média Enquête et Débat. Elle a été nommée troisième dans un concours pour la liberté d'expression que j'avais organisé, et dont Éric Zemmour avait été le grand vainqueur, juste devant Dieudonné, justement. Alors, le problème, c'est que bien que les ayant médiatisés et relayé largement, ils m'ont clairement menacé de mort à un moment, et ils ne s'en sont jamais excusés. Alors c'était pour une enquête que j'avais faite, en fait, en plus c'était pour moi un travail de journalisme, donc ça c'est grave. Et donc comme j'avais révélé des choses sur leur copain Laurent Oberton, eh bien ils ne m'en ont pas, ils ne l'ont pas pardonné, et donc ils m'ont lynché publiquement. J'ai déposé plainte, ce qui ne m'est jamais arrivé dans ma vie, je crois que c'est la seule plainte que j'ai jamais déposée. Mais là, c'était trop grave, c'était sur un site très visité, où ils me menaçaient très clairement de mort. Donc j'ai déposé plainte, et comme la justice est marxiste et que eux sont marxistes, eh bien ma plainte a été classée sans suite. C'est là aussi où on voit qu'ils sont de l'opposition contrôlée, puisqu'ils sont protégés par le système. Donc, ils sont contre la liberté de la presse, donc, et du journalisme même indépendant. C'est la ligne du parti ou la guillotine. D'ailleurs, Christine Tazin se réclame ouvertement de Robespierre. Je suis allé dîner chez eux une fois. J'ai critiqué Robespierre et elle a fait un scandale. Elle m'a même insulté gravement devant son compagnon Pierre Cassan parce que j'avais eu l'heure de critiquer le saint Robespierre qui avait pourtant déclenché la Grande Terreur et tout ce qu'on sait. Donc, il avait été le premier homme politique au monde à mettre en place le communisme. Voilà. Et Pierre Cassan, quant à lui, donc, qui n'avait rien dit, qui avait défendu sa compagne dans tous ses délires robespierristes et de menaces de mort, d'ailleurs, envers moi, il a été toute sa carrière un cégétiste, justifiant la violence et la menace pour obtenir ce que la CGT souhaitait. Il me l'a même déclaré, les yeux dans les yeux, quand je l'ai interviewé. Il m'a dit, voilà, il y avait 300 gros bras qui étaient mobilisables à tout instant pour aller dans les ministères et faire pression pour que les ministères aillent dans le sens de la CGT. Bon, voilà à qui on a affaire. Mais j'ai fait un bout de chemin avec eux parce que j'étais un peu tombé dans ce piège de croire que l'islam était la principale menace en France, alors même si je n'ai jamais cru ça, puisque j'ai toujours désigné le marxisme comme première menace et premier ennemi. Mais j'ai perdu un peu trop de temps à me focaliser sur l'islam, notamment suite aux attentats, ce qui était un peu logique. Mais du coup, je me suis éloigné du marxisme et de ma focalisation qui aurait dû me mener à détecter la Chine communiste comme ennemi extérieur. Alors depuis 2007, donc ça fait une quinzaine d'années, ils ne parlent que d'islam, ces gens-là. Alors, c'est vraiment, là on peut parler d'obsession, vous voyez ? C'est vraiment obsessionnel et ça confine d'ailleurs au pathologique. Donc, moi, on m'accuse d'être obsédé, etc. Mais j'ai écrit 46 livres sur une trentaine de sujets, donc, dont deux livres sur l'islam. Vous voyez, donc c'est pas mon obsession. Et donc, quand une attaque biologique est déclenchée par la Chine communiste, ce que personne n'avait prévu, eh bien, je peux lâcher un peu l'islam et venir sur cette priorité. Bon, donc j'y reviendrai. Mais eux, non. Le réel n'a aucune prise sur eux. Ils sont enfermés dans leur propre prison mentale, dont ils ne sortiront plus jamais, parce que maintenant ils sont à la retraite et ils sont vieux, donc c'est rare quand les personnes âgées changent d'avis, et changent d'obsession quand ils en ont une. Ils continuent à parler d'islam, alors qu'il n'y a quasiment plus d'attentats islamistes depuis longtemps, et alors qu'une attaque biologique ravage le monde et ses libertés depuis près de 2 ans quand même, avec des millions de morts et de blessés, bon, sans parler de toutes ces conséquences avec le vaccin. Alors, Riposte laïque, et donc Résistance républicaine, qui marche ensemble, ne tiennent aucun compte du réel, comme tous les idéologues, et ils continueraient à parler d'islam, j'en suis sûr, même si des extraterrestres débarquaient demain sur la Terre. Donc moi, j'ai tenu compte du réel. C'est pas pour me jeter des fleurs, c'est juste pour dire un fait qui m'est reproché aujourd'hui en me disant « Tu t'es couché face à l'islam ?» C'est pas vrai. J'ai tenu compte du réel. J'ai réalisé non seulement que j'avais beaucoup trop parlé d'islam par rapport à la réalité de cette menace à court, à moyen terme pour mon pays, et d'autre part, j'avais été berné par le communisme qui avait fait diversion de la Chine communiste avec notamment la chute simulée de l'URSS et une focalisation sur l'islam depuis notamment le 11 septembre 2001, dont on vient d'ailleurs de fêter les 20 ans, j'enregistre le 12. Donc, j'ai tenu compte du réel, quand la Chine communiste a lancé cette attaque biologique contre le monde, je me suis remis en question, alors que je sortais d'un procès intenté par l'État sur la question de l'islam, procès que j'avais gagné, mais qui m'a fait réaliser que ma stratégie n'était pas la bonne. J'étais passé totalement à côté de la Chine communiste pendant 10 ans, disant que j'avais passé à enquêter sur tout un tas de sujets. Hein. Je vous ai dit, 46 livres sur une trentaine de thèmes différents en témoignent. Mais à ce moment-là, la Chine communiste était la menace numéro 1 depuis longtemps, notamment depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. Mais elle n'était pas sur mes radars, pourtant largement anticommuniste. Alors, fort heureusement, j'ai su tenir compte du réel, puisque je suis vraiment un anticommuniste, pas obsessionnel, mais voilà, je sais voir le danger là où il est. Et donc, quand la Chine a attaqué, j'ai été le premier à le dénoncer en France, et je suis un des seuls encore à le faire. Alors, pour que vous sachiez aussi que j'ai proposé un débat à Pierre Cassan, c'était il y a quelques mois, et un débat qu'il a fui comme le lâche qu'il est, alors qu'il n'avait pas hésité à débattre avec l'islamiste Annie Ramadan, hein, islamiste étranger en plus, suisse. Et il a débattu avec lui dans la même pièce que lui. Mais le patriote français Jean Robin, ah non, ça, il ne faut pas débattre avec lui. Alors, c'est vrai que j'aurais donné légèrement plus de fil à retordre qu'un islamiste, parce que je connais par cœur sa rhétorique, et il ne souhaite peut-être pas être mis en slip publiquement, ça, je peux le comprendre. Mais quand même, ça en dit long, si vous voulez, sur ces gens-là, qui vous parlent de patriotisme matin, midi et soir, mais qui préfèrent débattre avec un ennemi de la France qu'avec un patriote français. Alors, comment Ah oui, j'ai oublié de vous dire que quand ils me menaçaient de mort, je les ai pardonnés pour ça évidemment, parce que je suis chrétien, mais ils m'ont menacé de mort alors que Pierre Cassan était venu chez moi peu de temps avant et qu'il savait que j'avais un bébé. Alors ça, ça vous en dit long si vous voulez. Là, on a vu une vidéo qui circule en ce moment d'une femme à Shanghai qui porte son bébé et les policiers s'en prennent à elle et font tomber son bébé par terre. C'est un peu ça qui m'est arrivé, si vous voulez, avec Pierre Cassan et Christine Tazin avec cette menace de mort au moment où j'avais un bébé, ce qui est quand même odieux, et que ma femme, en plus, est une apostate de l'islam. Donc, bref, je passe. Alors, comment est-ce que Riposte laïque et Résistance républicaine se positionnent-ils dans cette Troisième Guerre mondiale? Déjà, ils n'ont jamais parlé de Troisième Guerre mondiale, ils n'ont pas compris que la Chine nous avait attaqués. Et donc, en bon collabo de l'oligarchie et de la Chine communiste, ils ne disent rien de tout cela, de tout ce que je dis. Ils font partie de l'opposition contrôlée sur les 5 critères que j'ai édictés. Donc, le premier, c'est l'oligarchie. Donc, Riposte laïque finance l'oligarchie et les associations qu'ils prétendent dénoncer. Ils ont procès sur procès depuis des années, qu'ils perdent très souvent. Et donc, ils financent la LICRA, la Ligue des droits de l'homme, l'État. Et donc, les gens qui soutiennent financièrement Riposte laïque sont des financeurs de l'oligarchie. Voilà. Puisqu'évidemment, peu de choses sortent de la poche de Christine Tazin et Pierre Cassan, qui eux-mêmes sont retraités, donc qui touchent leur argent aussi de l'État. Ouais. Donc ils font partie de l'oligarchie. Ensuite, au niveau des grands médias, ils soutiennent des gens qui y passent tout le temps, comme Zemmour, Philippot, Marine Le Pen, etc. Voilà, donc ça, c'est pas vraiment l'opposition. Ensuite, bon, ils sont marxistes, donc ça, c'est un des 5 critères. Indéniablement, je veux dire, ancien cégétiste et ancienne prof de l'éducation nationale, prof de français pour Christine Tazin. et Robespierriste donc. Il ne dénonce jamais quasiment le Parti communiste chinois, voire il le cautionne, comme on va le voir. Et les élections, ils n'ont pas compris qu'on est en dictature, puisque depuis le référendum piétiné de 2005, les élections n'en sont plus. Mais ça ne les empêche pas de soutenir Marine Le Pen en 2017, et cette année plutôt Éric Zemmour. Donc ils n'ont rien compris. Et Florian Philippot, voilà. Alors, je vais vous parler de deux aspects de leur pensée, on va dire, avec vis-à-vis de la Chine communiste. Donc le premier, ça concerne le génocide des Ouïghours. Donc les Ouïghours sont des musulmans, comme chacun sait, et donc la Chine communiste s'en prenant à des musulmans, vous imaginez que ça plaît beaucoup à ces gens-là. Et c'est ça qui est triste. Alors dans un article du 15 juin 2021, intitulé « Glucksmann pleure sur le génocide des Ouïghours mais se fout des Français », ils font quasiment oui, l'apologie de la politique chinoise. Alors, je vous cite des extraits de cet article. « En effet, si vraiment la Chine emprisonne dans des camps les Ouïghours, qui sont musulmans sunnites, turcophones, si elle essaie de les rééduquer, les stérilise et parfois les torture, c'est tout à fait inacceptable. » Donc notez le « si », qui est répété plusieurs fois, et qui indique la tonalité de l'article, qui est clairement, on dirait négationniste s'il s'agissait des juifs. Bon, là, il ne s'agit pas des juifs, mais c'est la même idée. Alors, d'autres tortures, entre guillemets, consisteraient à interdire le voile aux femmes, la barbe aux hommes, raccourcir les longues tenues des femmes dans la rue, et obliger tout le monde à manger du porc et boire du vin, ce qui ferait plutôt sourire. Que n'en faisons-nous autant ? Le prénom Mohamed est interdit, comme on le comprend. Dans la rue chinoise, les caractères arabes sont effacés, quoi de plus normal. Et donc, ils mettent sans blague sur le même plan l'interdiction du voile pour les femmes et leur stérilisation forcée. Et cette comparaison, qui n'est pas raison, a quelque chose d'obscène, vraiment. Je crois que chacun peut le comprendre. Chacun qui a une morale, évidemment. Quand on est marxiste, on n'a pas de morale. Alors, selon l'ONU, près d'un million de Ouïghours étaient détenus dans des camps en 2018, ce que le président chinois Xi Jinping dément. C'est vrai que les Chinois ne font pas dans la dentelle. Donc ils justifient des camps de concentration et du travail forcé. Pas mal. Il y a peut-être une explication au comportement chinois. Voilà. Donc là, ils continuent de le justifier. La vérité, c'est que les Ouïghours posent de plus en plus de problèmes à la Chine. Ils revendiquent leur autonomie. Ils se sont livrés à plusieurs attentats meurtriers, dont celui de Kunming en 2014. 31 morts, 143 blessés. Ils se radicalisent, se fondamentalisent, comme trop de musulmans partout dans le monde. La Chine se comporte donc à juste titre comme si les Ouïghours lui avaient déclaré la guerre. Ils sont une vraie menace, comme l'islam chez nous. Alors, quand vous avez ce genre de rhétorique, il ne faut pas tomber dans le piège, évidemment, puisqu'il ne s'agit pas de défendre le terrorisme islamiste, que je condamne, évidemment, et contre lequel je me suis battu pendant longtemps, et je continue de le combattre. Et je condamne, évidemment, tous les attentats qui ont eu lieu en France et ailleurs dans le monde. Donc attention, il ne faut pas tomber dans le « Ah, tu défends le terrorisme des Ouïghours ». Non, je le condamne. Par contre, ce qui est vraiment malhonnête dans cet article, c'est de faire croire que l'islam est particulièrement ciblé par la Chine communiste parce qu'il commet du terrorisme. Or, la vérité, c'est que les autres minorités en Chine sont persécutées de la même manière, alors qu'elles sont beaucoup plus pacifiques, comme les chrétiens, les Falun Gong, les Mongols, les Tibétains, etc. D'accord ? Donc ça, c'est malhonnête de ne pas le dire. Et d'ailleurs, plus loin dans l'article, on peut lire « Pourquoi cette défense sélective des Ouïghours de la part de Glucksmann, on pourrait aussi s'intéresser aux chrétiens persécutés en Chine et religion la plus persécutée dans le monde ?» Ah mais non, les chrétiens ne l'intéressent pas. Donc, bon, ils le reconnaissent en partie, mais pas pour les Falun Gong qui sont pourtant 90 millions. Les chrétiens sont plus de 30 millions, donc oui, il faut en parler. Mais les Falun Gong, ils n'en parlent pas. Les Mongols, il y en a aussi quelques millions, et les Tibétains aussi. Donc, c'est bien que le problème vient de la Chine communiste, et pas des musulmans. La Chine communiste persécute tout ce qui n'est pas Han, c'est-à-dire 94% du pays est Han. Donc les 6 autres pourcents peuvent crever, en gros, sont des sous-hommes. Et par ailleurs, les 1,4 million de Chinois, y compris les Han, sont persécutés aussi, puisqu'ils font partie d'un goulag numérique. On ne peut pas sortir de la Chine communiste au niveau de l'information. On est obligé de subir cette persécution, cette propagande permanente, y compris historique. On n'a pas le droit de parler du Tibet, justement, de Taïwan, et d'un, les 3 T, donc Tibet, Taïwan. et Tiananmen. Donc, le problème, c'est la Chine, en l'occurrence. Ce n'est pas les musulmans. Donc, ça, c'est inverser les responsabilités. Et donc, il faut reconnaître que les Ouïghours sont persécutés au même titre que les autres. Et tout autre discours, vraiment, est dégénéré. Donc, la répression chinoise s'adresse aussi au trafic de drogue, dont le Xinjiang serait une plaque tournante, sachant que la drogue est à l'origine de tous les trafics. Mais le problème dans ce genre de pensée, c'est que la Chine est la principale puissance de la drogue dans le monde. Et ça, ils ne le disent pas. C'est depuis Mao. Donc, je vous renvoie à ma vidéo sur la guerre de la drogue par la Chine, réservée aux souscripteurs. Donc, j'explique que Mao voulait se venger de la guerre de l'opium qui avait été menée par l'Occident à la Chine communiste, et que l'URSS a pris exemple sur le PCC en Amérique latine, mais en prenant cette fois des intermédiaires, et c'est la raison pour laquelle l'Amérique latine est bouffée par les cartels de la drogue. Donc tout ça est dû au communisme international. Et il y a eu, rien qu'aux États-Unis en 2020, 100 000 morts du fentanyl, qui est une drogue de synthèse très puissante, majoritairement en provenance de Chine. Donc ça, c'était pour la seule année 2020. Et Riposte Laïque n'en parle pas. Donc, ce serait les Ouïghours qui organisent le trafic de drogue, mais la Chine communiste, non. Alors que c'est franchement, les Ouïghours par rapport à la Chine communiste, même en termes de drogue, c'est rien du tout. Donc là, c'est malhonnête. Ensuite, Meg Luxman et ses sbires prétendent qu'il y a un génocide en cours. Génocide démenti par la démographie. Les Ouïghours seraient en augmentation constante. Ils étaient 7 214 000 à vivre en Chine en 1990, 8 400 000 en 2000, 12 123 000 en 2017. Donc ça, c'est un problème parce que c'est le même argument que les antisémites pour nier la Shoah. Puisqu'il y a plus de juifs aujourd'hui qu'avant la Shoah, c'est, selon certains, qu'il n'y a pas eu de génocide. Le génocide se décrète pas ainsi, c'est pas ça le critère. Il se décrète sur la base de pratiques génocidaires, comme la stérilisation forcée des femmes, des Ouïghours, qui est très documentée, comme le travail forcé menant à une mort prématurée, qui est très documentée aussi, le contrôle des naissances coercitives, les incitations au mariage interethnique, les persécutions religieuses, le contrôle social et surveillance de masse, le trafic d'organes international et les persécutions hors de Chine. Tout ça est très documenté. D'ailleurs, il ne concerne pas que les Ouïghours. Au niveau, je vous parlais tout à l'heure de la propagande, il faut savoir qu'il y a le contrôle social, le crédit social qui est en place en Chine depuis les années 50. D'accord? Donc c'est un peuple qui est dans sa totalité réduit en quasi-esclavage. Mais pour les Ouïghours, c'est poussé au maximum. Voilà. Donc, ils n'ont pas un mot non plus sur l'hypocrisie de Raphaël Glucksmann, qui est soutenu par François Hollande. Qui a été soutenu par François Hollande pour être élu député européen, alors que Hollande est un des pires collabos du Parti communiste chinois, qui a félicité d'ailleurs le Parti communiste chinois pour son centenaire récemment. Mais ça, ils ne le disent pas, je pense qu'ils ne le savent pas, parce que ça ne les intéresse pas. Mais Riposte Laïque, en niant purement et simplement un génocide ouïghour, finalement, ils sont sur la position du gouvernement français, qui est collabo de la Chine communiste et qui la protège. Donc là, ils se rejoignent. Alors, le 6 avril 2021... Il publiait un autre article intitulé « Rien à faire des Ouïghours, dénonçons les massacres de chrétiens ». Donc là, dans ce genre de titre déjà, il y a un mépris pour l'être humain qui est classique chez les communistes. Rien à faire des Ouïghours. Les gars peuvent crever la bouche ouverte dans des camps. Comme ils sont musulmans, ils l'ont bien mérité. Voilà ce qu'ils disent, en gros. Et donc, dans l'article... Comment ne pas se poser de questions sur cette volonté des médias français et internationaux de se pencher sur ces pauvres Ouïghours islamistes, persécutés, disent-ils, par le régime communiste chinois? Persécutés, disent-ils. La gauche est toujours dans ses combats iniques, comme elle le fut quand elle était pour une Allemagne hitlérienne, puis stalinienne, puis maoïste, pro-vietnamienne, pro-FLN, porteur de valises, puis pro-pédophile, et j'en passe, de tous ces combats où elle a pu démontrer les valeurs de son humanisme à deux balles. Là, elle brandit l'étendard des Ouïghours en Chine, cette gauche de cloportes et de sauterelles qui grouille et saute sur le premier prétexte venu pour tenter de tout détruire et d'éliminer les sociétés encore saines d'esprit. Et donc, là, c'est bien Riposte Laïque qui est du côté de la nouvelle Allemagne nazie, dirigée par Hitler, justement, qui persécute toutes les minorités indistinctement, ce que les marxistes de riposte laïque et de résistance républicaine refusent de voir et de dénoncer. Donc l'analyse historique est fausse, et Pierre Cassan fait partie de la CGT, donc la CGT a collaboré évidemment à toutes les horreurs communistes qu'il y a eu dans le monde dans les années au XXe siècle, donc il est assez mal placé pour faire la leçon. Mais bon, nous aimerions que ces journalistes si condescendants avec les Ouïghours nous expliquent pourquoi les femmes Ouïghours n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Pourquoi ces femmes sont toujours considérées comme inférieures, comme des mineures, mariées de force, soumises à leurs pères, frères et maris, et n'ayant pas les mêmes droits à l'héritage que les hommes. Silence, pas de vague, car il faudrait parler de l'inégalité intrinsèque au Coran, sujet qui fâche en France. Et donc, si je comprends bien, selon Riposte Laïque, l'inégalité inhérente à la culture d'un peuple est pire que les persécutions imposées à ce peuple par un pays communiste. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, dans un autre article du 27 mars 2021, parce qu'ils écrivent beaucoup sur les Ouïghours, alors cette fois, l'article était intitulé « Gangrénés par l'islam, les voilà maintenant au secours des Ouïghours ». Entendons-nous bien, si les Chinois violent des femmes Ouïghours et les stérilisent, voire les torturent et torturent les hommes de celles-ci, c'est évidemment inacceptable. Donc on reprend la même logorée qu'avant. Car il est fondamental, bien sûr, de faire la différence entre l'être humain qu'on maltraite et le conditionnement malsain dont il est victime. Les Chinois parlent à ce titre d'une vieillerie. Ceci étant posé clairement, une question s'impose. Quelle preuve avons-nous des exactions qu'ils seraient en train de commettre? Voilà. Et donc on a toutes les preuves, mais ça ne les intéresse pas. Tout ça est très documenté au niveau international. Bref, il s'agit de trouver tout ce qui peut nuire à la Chine pour empêcher celle-ci de devenir la première puissance mondiale. Et là, on rejoint évidemment le discours de collabo de Pierre-Yves Rougeron, par exemple. Oui, la Chine va redevenir première puissance mondiale, et alors, elle était déjà au XVIIIe siècle, et on n'en est pas mort. Tout ce discours-là de marxiste dégueulasse qui justifie le pays qui nous a attaqué biologiquement et qui a tué plus de 100 000 Français et qui nous a plongé dans le communisme encore plus qu'on y était, et puis au niveau mondial, qui nous prive de nos libertés et contre lesquelles Riposte Laïque prétend manifester chaque samedi ou je sais pas quoi, en Bretagne là-bas, tout ça est imposé par la Chine communiste à distance, avec le relais évidemment de l'oligarchie marxiste. Donc c'est complètement hypocrite, et c'est une très mauvaise analyse de la situation, parce que tout cela ne vient pas de nulle part. Ils ne parlent jamais de l'infiltration de la Chine communiste dans notre oligarchie, dont ils se foutent pas mal, parce que ça va pas dans leur sens. Ils ne parlent jamais de l'influence anti-islam qu'a la Chine sur notre oligarchie, qui est en train de basculer, comme j'y reviendrai. Mais je voulais vous lire un dernier article sur les Ouïghours. Avant-dernier, pardon. C'était le 13 octobre 2018, où carrément, là, ils justifiaient les camps pour Ouïghours. Alors, les Chinois enferment leurs Ouïghours dans des camps de rééducation, mais c'est une idée qu'ils m'ont piquée, écrit Riposte Laïque dans cet article. Il y a longtemps que j'ai décrit cela dans Croissance sans café crème, dont voici un extrait. La question des prisons réglées, il fallut bien s'attaquer aux problèmes collatéraux, police et justice, et en premier lieu, la racaille des banlieues. Donc en gros, cet auteur justifierait les mêmes mesures en France qu'en Chine, voilà, vis-à-vis des musulmans. Alors voilà, dit Arif à la commission d'urbanisme, cherchez-vous un endroit isolé et dépeuplé, genre Cévennes, Larzac ou Lozère, déplacez les derniers indigènes en leur offrant un change avantageux qu'ils ne pourront pas refuser, vous mesurez 10 km², entourez tout ça d'une clôture électrifiée munie de miradors. Non, vous n'appelez pas ça camp de concentration, mais domaine de réappropriation de l'environnement spatio-temporel ou quelque chose du genre. Vous y installez des préfabriqués avec cuisine, dortoir, salle de classe, piscine, théâtre, etc. Les racailles, ce sont des gosses dont la testostérone dérape parce qu'ils sont privés d'activité physique et de sexe. Les incendiaires de voitures, les taggeurs, dealers et tous les petits connards qui se croient malins de ne pas aller à l'école, on les ramasse et on les envoie en colo où on va leur apprendre les joies de la survie en plein air, de l'apprentissage de la cuisine, lessive, repassage, jardinage, élevage, études, langue et sport. Prévoyez une aile de réappropriation du schéma corporel avec musique psychédélique, sauna, massage, guidance érotico-sexuelle et méditation transcendantale conduite par des professionnelles blondes et opulentes originaires des pays de l'Est. Faites-vous seconder par les pédagogues, psychologues et autres anthroposophes. Sitôt dit, sitôt fait, il y eut un petit souci quand les pères vinrent rendre visite à leur fils, car nombreux furent ceux qui demandèrent eux aussi à pouvoir bénéficier d'un stage de reprogrammation mentale. Il allait donc falloir ouvrir de nouveaux centres. Mais tout ça, c'était de la création d'emplois, d'ailleurs, dans la politique Fic prédiction, ce sont les Chinois qui viennent sauver l'Europe. Fin de citation. Voilà. Donc pour eux, dans leur esprit, alors certains c'est plutôt Poutine, mais elle c'est carrément les Chinois. Voilà. Donc on est dans le délire le plus total. Et là, elle a oublié dans sa longue litanie les prélèvements forcés d'organes, les viols de masse, les stérilisations. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Est-ce qu'elle justifie ça aussi? Hein, j'aimerais bien le savoir. Alors, le 24 janvier 2020, Ripos Laïc écrivait, donc on était au tout début de la pandémie en Chine. La Chine a ses deux fléaux, coronavirus et coranvirus. La communauté musulmane des Ouïghours du Xinjiang suscite moins d'empathie que les Tibétains et leur Dalai Lama. Alors c'est marrant ça. En 2020, ils reconnaissaient que les Ouïghours musulmans suscitaient moins d'empathie que les Tibétains et leur Dalai Lama. Ça a bien changé dans leur esprit. Certains sont entassés dans des camps de rééducation, il y en aurait plus de 400 selon les analyses satellitaires. La Chine a réponse à tout, même à l'islamocratie. Voilà, donc ça c'est une justification aussi de la politique génocidaire qui est menée là-bas. C'est le directeur communication du Bureau des droits de l'homme du Conseil des affaires de l'État. Au sujet des camps d'internement, il déclare en 2018 à l'adresse de l'opinion publique internationale, ce ne sont pas des camps, mais des centres de formation permettant aux musulmans de s'intégrer. Si vous pensez que ce n'est pas la meilleure voie, c'est peut-être la voie nécessaire pour éradiquer le problème de l'extrémisme islamique que personne ne sait résoudre en Occident. Jetez un coup d'œil sur la Belgique et sur Paris, vous y avez échoué. Fin de citation. Dans cette foulée démonstrative, il ajoute que l'islam est l'ennemi de l'humanité entière et que malgré les centaines de victimes et la sécession de musulmans arrachant des quartiers entiers à la juridiction nationale, l'Europe en est encore au stade de l'islam religion de paix où les extrémistes ne peuvent être assimilés au véritable islam. Donc, voilà, ça c'est un extrait donc de leur article. Et ensuite, ils vont condamner évidemment les excès. Mais ça c'est trop facile parce que, bon, Philippot, lui, il a osé dire que la Chine donnait des leçons de démocratie à la France sur le pass sanitaire. Et Ripos Laïc ose dire que la Chine donne une leçon de démocratie à la France sur l'islam, si je comprends bien. Donc le problème pour Ripos Laïc, c'est que l'oligarchie est en train, comme je le disais, petit à petit, de rejoindre leur position, sous la pression de la Chine communiste précisément. Et donc, d'ici peu de temps, Ripos Laïc sera obligé d'applaudir aux camps qui vont se créer en France, pour musulmans et non-musulmans d'ailleurs. Alors, eux, ils dénonceront les camps pour non-musulmans, mais ce sera les mêmes camps qui serviront aux deux. Alors, Ripos Laïc applaudisse déjà Raoult, bien que celui-ci parle d'isoler les membres des familles testées positives au test PCR. Ça ne les dérange pas. Voilà. Alors, le 10 mai 2020, il publiait un article intitulé « Face à l'islam, il faut imiter la Chine, Israël et Charles Martel ». Donc, je vous cite un extrait. « Regardons maintenant les Ouïghours, ce peuple musulman d'origine turque vivant en Chine. Certains contesteront la dureté du gouvernement chinois à leur égard, mosquée interdite, islam interdit. Mais devrions-nous nous en émouvoir lorsque l'on voit partout comment les musulmans, lorsqu'on leur laisse la bride sur le cou, n'entendent pas vivre en citoyens pacifiques, mais ne songent qu'à imposer leur religion comme le leur prescrit leur Coran. » Donc là, je ne vais même pas commenter, parce que ça se suffit à soi-même ce genre de propos que je condamne. Vraiment, c'est odieux. Alors, mais comme ça vous permet de voir dans quel camp ils sont ces gens-là. Donc, concernant la guerre mondiale déclenchée par la Chine communiste, comme je vous le disais, ils ne l'ont jamais dénoncé. Ils n'ont jamais cité mon travail, inutile de vous le dire, même pour le critiquer. Donc, ils manipulent leurs lecteurs en ne leur faisant pas connaître la thèse, pourtant extrêmement documentée par votre serviteur, de l'attaque biologique. Hein, c'est ça que je leur reproche aussi, c'est que ils ont un média, mais ils censurent une thèse avec laquelle on peut ne pas être d'accord, mais j'apporte tellement de faits, d'accord, qui la démontrent, que c'est un crime de manipulation que de ne pas en parler depuis 1 an et demi maintenant. Donc c'est clair qu'ils n'en parleront jamais. Et donc ils laissent leurs lecteurs dans l'obscurité, ils ne leur permettent pas de se faire leur propre opinion, d'exercer leur esprit critique. Et donc, ils ont choisi leur camp dans cette troisième guerre mondiale, c'est le camp de la Chine et de la Russie contre le monde libre. Donc, je vous cite l'article du 3 août 2021 qu'ils ont intitulé « La Chine et la Russie se préparent aux agressions de l'OTAN et des États-Unis ». Alors, tant que Trump était au pouvoir, ça allait, plus ou moins. Mais là, maintenant que c'est Biden, leur anti-américanisme primaire a repris le dessus. Et donc, les États-Unis, je suis désolé, ça ne dépend pas de leur leader. Les États-Unis est une grande démocratie qui ont des contre-pouvoirs. Alors, c'est pas comme la France. C'est un pays fédéral avec des contre-pouvoirs à tous les niveaux. Il y a des gouverneurs. Il y a quand même une justice ou ce qu'il en reste. Bon, c'est pas parfait, mais c'est pas comme la France. Si vous avez un collabo ou un résistant à la tête de la France, tout le pays devient collabo ou résistant. Mais aux États-Unis, non. Et donc, le fait que Biden soit là ne change finalement pas grand-chose aux États-Unis en eux-mêmes. Donc, se positionner contre les États-Unis et pour la Chine et la Russie, qui sont deux dictatures communistes prouvées, ça en dit long sur leur démarche. Alors, je vous cite le début de cet article. Hors de cette folie française qui fait la une des médias, le reste du monde subit une vraie menace sécuritaire qui n'a pas grand-chose à voir avec un virus. La mer de Chine et le couloir de Taïwan deviennent un sujet qui probablement, voire sûrement, dans peu de temps, deviendra un prétexte de confrontation entre les Chinois du continent et ceux de Taïwan. Avec bien sûr les éternels USA, cette grande Amérique du bien, de la liberté, de la démocratie, qu'elle aura au final réussi à détruire partout dans le monde. Donc ça, c'est à peine caricatural. Et ce, depuis sa naissance, a commencé par la doctrine Monroe à ses débuts. Donc là, on est dans l'anti-américanisme vraiment primaire. Le fait que les États-Unis soient venus mourir, enfin envoyer des soldats par milliers mourir en France et en Europe pour libérer l'Europe à chaque fois, du totalitarisme, ça n'existe pas apparemment. C'est incroyable. Pendant ce temps, la Russie et la Chine, hein, s'organisent en vue des différentes provocations et aussi de marquer leur volonté en faisant comprendre aux USA que le temps béni de la domination occidentale était terminé. Oui, en effet, il y a un risque de conflit imminent avec ce que certains appellent encore le monde libre, entre guillemets. Voilà, donc ces gens-là, comme ils sont communistes, ils ne voient pas le monde libre comme cela. Pour eux, les libertés dont on a pu jouir jusqu'à présent n'en étaient pas. C'était de la décadence. Et en Chine ou en Russie, où c'est la dictature, d'accord? Dictature du prolétariat, avec des dirigeants élus à vie comme Poutine ou Xi Jinping, eh bien, c'est un modèle, c'est ça vers quoi on doit tendre. Et c'est pour ça qu'ils collaborent directement avec ces gens-là, en dénonçant les États-Unis et son bras armé, l'OTAN, rejoignant ainsi Macron, qui a dit que l'OTAN n'avait plus aucun sens. C'est le but de la chute feinte de l'URSS, qui est de faire croire que le communisme n'existe plus et donc que l'OTAN n'a plus aucun sens. Et Trump, on l'a oublié, les pro-Trump, Trump n'a eu de cesse d'essayer de réhabiliter l'OTAN. Hein, pourquoi, à votre avis, alors qu'il dénonçait la Chine communiste? Eh bien voilà, parce que l'OTAN est diabolisé par tous les souverainistes, là, de Philippot à Asselineau, en passant par Riposte Laïque, hein, Dupont-Aignan et tous les autres, parce que l'OTAN, c'est le mal, évidemment, mais ils rejoignent en cela Macron, donc ils sont pas différents de l'oligarchie. Et l'OTAN, c'est, qu'on le veuille ou non, l'armée qui protège le monde libre contre le communisme, encore, et bien qu'il soit largement infiltré, hein, y compris par des pays comme Orban, que Riposte Laïque et leurs copains adorent, mais qui sont pourtant des agents russes et chinois. Donc c'est ça qu'ils n'ont pas compris, puisqu'ils sont communistes, et de toute façon ils sont beaucoup plus attirés par les tyrans communistes, comme Soral d'ailleurs, là ils rejoignent leur ennemi intime Soral, pro-islam, etc., soi-disant. Mais en fait, ils le rejoignent dans leur amour de la Chine communiste, puisque Soral lui-même est marxiste et rejoint les positions, lui aussi, de l'oligarchie. Voilà, donc tout ça, c'est l'opposition contrôlée. Et je pense l'avoir bien démontré. Alors, je vais enfoncer le clou avec quelques articles encore. Le 2 mai 2021, Riposte Laïque titre, « Les Occidentaux donnent des leçons à la Chine en oubliant leur passé ». Donc là, ils reprennent carrément le discours des décoloniaux, du pire, quoi. Boutelja et leurs copains, alors je cite, « Les Ouïghours font partie des préoccupations des Occidentaux et particulièrement des USA, de l'Union Européenne et de la Grande-Bretagne. Il est reproché aux Chinois de vouloir unifier culturellement la Chine en faisant du Tibet bouddhiste et du Xinjiang musulman une seule et même nation. C'est effarant lorsque l'on a quelques notions d'histoire des peuples et que l'on sait que les États-Unis ont exterminé les Amérindiens sur tout leur territoire et qu'ils n'ont pas cessé de faire des guerres depuis leur indépendance. » Effarant de savoir aussi la quasi-extermination des aborigènes par l'Angleterre en Australie et celle particulièrement dégueulasse des Tasmaniens qui furent empoisonnés par les colons anglais. C'est tout simplement écœurant. Donc déjà, donc là ils reprennent le discours gauchiste, donc voilà, c'est ce qu'ils sont. Et puis, la logique c'est que puisque les Blancs ont génocidé il y a des siècles, les Chinois ont le droit de le faire aujourd'hui sans qu'on puisse rien y trouver à redire, nous, Occidentaux, hein, puisque nous sommes le mal. Donc ça rejoint le discours anti-blanc, portée par le tiers-monde en général et la Chine communiste en particulier, qui essaye de rassembler tous les pays anti-blancs, puisque c'est ça leur stratégie, avec les nouvelles routes de la soie notamment. Et Riposte Laïque joue à fond là-dedans. Donc ça, c'est vraiment des collabos. Hein. Et il dénonce pour autant Mélenchon qui critique le fait qu'il y ait trop de blancs et qui fait alliance avec l'islam. Donc il se retrouve, vous voyez, par une ironie de l'histoire, il se retrouve avec ceux qu'il prétend critiquer. Simplement parce que ce conflit entre la Chine communiste et le monde libre, la Chine communiste et leurs alliés dictatoriaux face au monde libre, oblige les gens à se positionner dans un camp ou dans l'autre. Et donc l'anti-américanisme primaire développé par les communistes dans ce pays depuis des décennies pousse tout un tas de gens à rejoindre la Chine anti-blanche, communiste, donc anti-liberté, et qui nous a déclaré la guerre. Donc ça s'appelle la collaboration. Donc, ces marxistes n'ayant aucune colonne vertébrale, et jouant sur tous les tableaux comme Mitterrand pendant la guerre, on trouve parfois des articles critiques du Parti communiste chinois. Hein. Moi, je suis honnête, je dis tout. Alors, par exemple, le 14 septembre 2020, vous avez un article intitulé « L'expansionnisme chinois exige désormais le contrôle total de l'Internet mondial ». Enfin, c'est sur des sujets relativement secondaires. Ou encore, le 19 mars 2021, « La France de Macron, c'est la fin de la liberté d'expression, mais aussi de la liberté de vivre. Ce sera l'assignation à résidence, le pass sanitaire et la vaccination permanente. Bref, la France de Macron n'est plus la France, mais se rapproche de la Chine communiste ». Et ça, c'est signé Pierre Cassan. Tous les autres articles que j'ai cités n'étaient pas signés Pierre Cassan, mais c'est lui qui les publie, donc il en est responsable. Et en tout cas, cet article du 19 mars 2021, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle, puisque ça permet de dire, regardez, hein, on n'est pas de tel côté quand on les accuse d'être d'un côté ou de l'autre. C'est une technique vaseuse que j'avais bien identifiée, puisque moi aussi j'avais écrit sur Riposte Laïque. Et donc, en ayant un peu toutes les lignes, on n'en a aucune. Et donc, on ne peut pas être critiqué, on sort tout de suite. Mais non, regardez, on a dit le contraire deux jours avant, ou deux jours après. Mais cette technique ne peut que berner les plus naïfs et manipulables. Parce qu'il y a quand même, je vous ai lu suffisamment d'articles qui allaient dans le même sens. Et donc, il y a des exceptions qui confirment simplement la règle. Et donc, moi, je ne pense pas faire partie de ces plus naïfs et manipulables. Mais ça, quand même, ça joue sur beaucoup de gens qui tombent dans le panneau. Parce que ces communistes-là, de Riposte Laïque, savent ce qu'ils font, et de Résistance Républicaine, ils ont l'habitude de mener les gens en bateau. Hein. Et donc, le même Pierre Cassan, d'ailleurs, déclarait le 25 septembre 2020, dans l'émission identitaire Le Soleil se lève, je cite, « Ce n'est pas la même chose que faire venir 10 millions de Chinois et faire venir 10 millions de musulmans. Non pas que je suis pour faire venir 10 millions de Chinois, mais 10 millions de Chinois ne vont pas remettre en cause les équilibres de la France. » Alors. Là, dans l'émission, quand vous prenez dans le contexte, on ne parlait pas du tout de la Chine. Hein. Donc pourquoi est-ce que Pierre Cassan vient parler des Chinois pour les comparer avec les musulmans? Eh bien, c'est parce qu'il est pro-chinois, tout simplement, pro-parti communiste chinois, et qu'il veut démontrer que même s'il y avait 10 millions de Chinois en France, ça ne serait pas un problème. Ce qui est une folie, parce que la Chine n'a certainement pas besoin de 10 millions de Chinois pour déjà tenir la France. Par infiltration, il ne fonctionne pas comme l'islam. Ce n'est pas une immigration-invasion, le projet chinois, c'est tenir l'oligarchie et donc tenir le pays comme ça. C'était comme Hitler avec Vichy. C'est la même idée. Donc en plus, ça leur permet de tenir beaucoup plus de pays à distance que même les occuper militairement. Donc ils sont même allés plus loin qu'Hitler. Et donc, quand Cassin dit ça, il n'a pas compris que la France est déjà occupée par la Chine communiste, donc par infiltration de l'oligarchie et des institutions internationales, l'Union européenne, l'ONU, la Banque mondiale, hein, le FMI, le CIO et tant d'autres. L'islam n'est qu'un des alliés de la Chine communiste, un de ses esclaves, mais il ne dirige pas le nouvel ordre mondial. Donc ça, il n'en a aucune conscience. L'islam n'est même pas capable de prendre la Seine-Saint-Denis, alors que les musulmans ils sont majoritaires, hein, aujourd'hui. Et donc, comme je l'expliquais à Alexandre Cormier-Denis, qui pense que l'ennemi principal, c'est le grand remplacement et l'islam, il y a une différence de nature et pas de degré entre l'islam, qui est divisé et sans stratégie réelle de conquête, et la Chine communiste, qui a une stratégie ultra efficace, unitaire, puissante, comme on le constate chaque jour. Donc, j'en discutais encore récemment avec un ami ex-musulman, et je lui disais, regarde, Parce qu'il me disait, bon, quand même, l'islam, c'est important de le dénoncer, etc. Et je lui disais, regarde, si on t'oblige à porter un voile islamique aujourd'hui, est-ce qu'on t'oblige à porter un voile islamique ou un masque? C'est assez clair, non? Est-ce qu'on t'oblige à te soumettre à un pass sanitaire ou à la charia? Est-ce qu'il y a eu plus de morts dues à l'islam en France depuis 1 an ou 2 ou à cause du virus du Parti communiste chinois? Je veux dire, les proportions sont tellement immenses, sont tellement, c'est de 1 à 100, je veux dire, que là, c'est l'idéologie qui seule permet de dire l'islam est l'ennemi principal. Voilà. Et puis, il faut regarder qui dans l'oligarchie dénonce la Chine communiste. Bah, moi, j'ai bien regardé, il n'y a personne. Et qui dénonce l'islam? Alors là, il y a beaucoup plus de monde. Bon, il y a ceux qui dénoncent depuis des années et des années, comme Zemmour, qui est quand même le Français le plus médiatisé depuis 15 ans et qui est anti-islam. C'est pas pour rien, lui, il joue ce rôle-là de l'oligarchie, d'accord? Mais plus récemment, il y a des gens qui ont retourné leur veste suite à la décapitation de Samuel Paty, notamment tout le clan pro-parti communiste chinois, comme par hasard, les Raffarin, les Pécresse, les Bertrand, les Macron, etc. Donc Macron est de plus en plus anti-islam. Ils ont bien dissous Baraka City et je ne sais plus quel. Le CCIF, voilà. Donc ils ont dissous tout ça. Ils ont fermé des mosquées salafistes. Ce n'était pas arrivé depuis des années en France. Et Macron va jusqu'à défendre les caricatures de Charlie Hebdo sur Al Jazeera. Bon, et il dit. Maintenant, il cite, il nomme l'islam ou l'islamisme, alors qu'avant, Hollande en était totalement incapable. Donc là, il y a un basculement depuis la décapitation de Samuel Paty, et alors qu'il y a de moins en moins d'attentats islamistes, on a une oligarchie qui est de plus en plus anti-islam. Ça trompe pas. Et donc, Zemmour, j'en parlais, donc lui, très médiatisé depuis 15 ans, là, il rentre dans l'arène politique pour emmener les Français, en plus, dans le piège de l'élection. Alors que les régionales avaient montré une prise de conscience du peuple, que les élections ne servent qu'à l'oligarchie. Et donc, comme je le disais au début, Riposte laïque coche les 5 cases de l'opposition contrôlée, il censure mon travail, pour résumer, contrairement à Minurne, par exemple, qui est un autre site anti-islam, mais il parle aussi de mon combat anti-PCC. C'est quand même la preuve qu'on peut être anti-islam et honnête. Et puis, il ne semble pas comprendre que la Chine est soutenue par tous les pays musulmans ou presque, qui justifient la répression des musulmans ouïghours. Et donc, lutter contre la Chine communiste, c'est en fait lutter contre l'islam, hein, au niveau mondial. Mais c'est vrai que c'est être du côté des musulmans ouïghours. Alors, si c'est devenu un crime, je ne sais pas. On n'a pas le droit de défendre des musulmans qui sont persécutés, apparemment. C'est interdit. Je ne sais pas. Donc, en réalité, Riposte laïque sont du côté de l'islam. Par une ironie du sort quand même assez savoureuse, du côté des anti-blancs, c'est tout ça hein, le Parti communiste chinois aujourd'hui, comme leur copain identitaire Daniel Conversano d'ailleurs, qui fuit le débat avec moi lui aussi et pour les mêmes raisons. Donc voilà un résumé, si vous voulez, du positionnement de Riposte laïque, qui se trompe comme il s'était trompé sur Beltrame, comme il s'était trompé sur Aldostérone et sur tant d'autres sujets qui avaient créé notre dissension. Malgré tous mes efforts et ceux de ma femme, on a essayé de leur expliquer, mais ils comprennent rien, ces gens-là. Et là, leur erreur confine à la collaboration, ce qui est beaucoup plus grave, évidemment. Donc, merci pour votre attention. Si vous voulez me soutenir en tant que journaliste indépendant, eh bien, vous pouvez aller dans la description de cette vidéo. Vous avez un lien vers Patreon. Je ne vis que de mes souscripteurs et de mes lecteurs. Donc, vous avez aussi des livres que j'ai édités qui reprennent certaines de mes chroniques. Donc j'en suis à 5 tomes, le 6e tome va bientôt sortir. Et mon travail permet d'éclairer beaucoup de gens sur ce qui se passe dans notre pays et dans le reste du monde, et d'anticiper ce qui va se passer. Parce que quand on est fixé sur l'islam, on ne comprend rien, on vise à côté et on joue contre son camp. Voilà, merci pour votre attention. Vive le Christ Sauveur, vive la Nouvelle France libre, et portez-vous bien. Au revoir.